À l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, la maison d'édition Penguin de l'Éthiopie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le service fidèle pour les masses populaires et le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti Travail de Corée. La cérémonie de parution a eu lieu sur place.